toujours pareil. C'est toujours pareil. Oh, que c'est la Johnny Hallyday qui va chanter. J'ai loupé quelques mesures sur une backing track. Je comprends pas les paroles qui sont sur le lounge. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que c'est pas trop fort? Dis-moi, toi, le guitariste là. Ok, je ne vous entends pas très bien. Alors je monte le volume. Mesdames et messieurs, le Big Bot. Je vous présente deux super guitaristes. À ma gauche, Titi. Et à ma droite, Phil. Alors on va laisser jouer de la guitare électrique. À vous. Un grand crack. bon appétit. Fallait pas faire comme les enfants, comme disent tous ces gens. T'es trop vieux pour faire du lendemain. Moi je suis pas vieux dans ma tête. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, docteur. Je crois que j'ai un peu mal. Mais je suis un rocker. Et les rockers ne sont jamais là. Monsieur, je suis désolé. Je vais devoir vous plaquer. Je ne veux pas me battre. Je préfère le ciment. Travailler dans ma maison. Et là, comme un client, assis sur mon siège, je contemple ce plâtre. Et c'est promis, bientôt je remonterai sur mon vélo pour déballer les pentes. On n'a plus ce plâtre. We'll be right back. Project 1.